rabrouré par son frère Ariste, qui insiste sur la faiblesse de Chrysale face à son épouse Philaminte, Chrysale se fait fort de s'opposer au mariage d'Henriette avec Trissotin pour qu'elle épouse Clitandre.